L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Bonsoir à tous mes petits loups qui végétaient dans les démocraties bourgeoises corrompues et les sociétés capitalistes décadentes. Je vais arrêter de faire mon Ivan Drago parce que je suis assez nul en imitation et particulièrement en accent russe. Pourtant, c'est d'accent russe qui va être question ce soir, vous allez comprendre. Soyez les bienvenus sur Osmose Radio, mes petits loups, disais-je. Vous êtes bien avec Stéphane et la playlist de l'heure du loup ce soir. Une playlist rock et new wave comme à l'accoutumée, mais qui sera consacrée ce soir en cette mi-janvier à la Russie et plus généralement aux pays slaves. Et on commençait justement avec un groupe qui faisait la partie de la bande originale d'un film qui m'a beaucoup plu le mois dernier. Un film de Kirill Srebrenitsov qui avait été mentionné à Cannes, un film qui s'appelait Leta, qui revenait un petit peu sur la scène rock du début des années 80 du côté de Saint-Pétersbourg. Et à l'instant, c'était donc le groupe Zveri avec le titre Drien. Et on va continuer avec un autre russe, mais contemporain celui-là, Noise MC avec le titre Yes Future. Thank you. все катаклизмы. Все больные успешно излечатся, вымрут вредные микроорганизмы. Пришельцы нагрянут не с целью экспансии, а чтоб забрать ядерные отходы. Для безработных найдутся вакансии, в Питере будет классная погода. Кто-то хороший у власти окажется, и все наладят нежданно-негаданно. Гадов накажет, никто не отмажется, все ожидания будут оправданы. Никаких вооруженных конфликтов, в МВД одни дяди Степы. На каждого квадратных метров с избытком, все всерьез, никакого Степа. Что не верится тебе в мой прогноз? Типа звучит нереалистично, спецом для тебя будет полный пиздос. У всех остальных все будет отлично. Миллионы праворульных «Жигулей» заполнят пространство японских хайвеев. Россия впереди планеты всей. No future — это не наша идея. Нам скоро стопудово повезет. Свежий ветер разгонит все черные тучи. Все черти кадилом по морде получат. Yes, future, yes, yes, future. Yes, future, yes, yes, future. Yes, future, yes, yes, future. Слушай мой прогноз, человечества. Я в будущее смотрю с оптимизмом. РПЦ совладает с нечистью. У православных отсосут сатанисты. Дьявол признает ошибки прошлого. Папа простит и вернет на небо. Вместо пустого, пошлого, ложного. Правда реальная, как буханка хлеба. Волшебник в голубом вертолете давно взлетел и вот-вот прибудет. Ему тут КМ всего пару сотен. Скорее сюда, все, кто мечтал о чуде. Ты говоришь, это все невозможно. Нахуй иди, я тебя не спрашивал. Мне от вас пессимистов тошно, все беды из-за лыча ебучего вашего. Пачка евро за монету 5 рублей, 100 баксов в обмен на 15 копеек. Россия впереди планеты всей. No future — это не наша идея. Нам скоро стопудово повезет. Свежий ветер разгонит все черные тучи. Все черти кадилом по морде получат. Yes, future, yes, yes, future. Yes, future, yes, yes, future. Yes, future, yes, yes, future. Yes, future, yes, yes, future. Yes, future. Noise MC sur ce morceau reprenait un petit peu le contrepoint du slogan des punks depuis une bonne quarantaine d'années. No future. Et bien là, en l'occurrence, il a fait Yes, future. Noise MC. Je suis pas un grand connaisseur en fait de hip hop et j'en passe jamais dans l'heure du loup parce que c'est pas le propos. Il y en a qui font ça bien mieux que moi, y compris sur cette station. Néanmoins, ben j'avais envie de passer ce tome-là parce que il y a un côté un peu Beastie Boys dans sa démarche à conjuguer et l'énergie du punk rock et le flow des rappeurs. Et en l'occurrence, ce garçon s'en sort très bien, en plus dans une langue qui n'est a priori pas facile pour faire du hip-hop, le russe. Et ce garçon de Moscou, ma foi, fait une belle carrière depuis une quinzaine d'années, il me semble. Soyez les bienvenus dans l'heure du loup, chers amis. Je vous disais, ouais, ce soir, c'est une playlist consacrée à la Russie. Et je ne coupe pas au cliché, puisque derrière moi, vous pouvez entendre la musique du jeu Tetris. Mais je m'en fous, je crains des gains. Et ben ouais, on a jusqu'au 31 janvier, en principe, pour souhaiter ses vœux. Moi, j'aime pas trop ça, parce que j'ai toujours l'impression que de jouer les chats noirs, que c'est un truc de mauvais augure. Et puis finalement, je vais faire une petite entorse à mon règlement avec le fait que ces couillons de Russes orthodoxes fêtent le nouvel an à la mi-janvier chaque année. C'est à cause des petites différences entre les calendriers dans le monde orthodoxe et dans le monde civilisé, hein, c'est-à-dire chez nous. Petite pointe de chauvinisme. Et donc, ben voilà, chaque année, ça tombe aux alentours de la mi-janvier, le nouvel an russe. Et moi, ben, du coup, j'aime bien traditionnellement, dans l'heure du loup, consacrer une playlist à ces pays d'Europe orientale, vais-je dire, et d'une Europe orientale qui peut aller assez loin, puisque là, tout de suite, on va aller jusqu'en Sibérie. Ouais, avec un groupe qui avait défrayé la chronique en Russie dans les années 80, un groupe qui s'appelait Grajdanskaya Oborona, ce qui signifie en fait défense civile. Ils avaient choisi le nom du groupe, hein, en fait, dans la première moitié des années 80, là où la guerre froide était encore extrêmement tendue, on a frôlé l'holocauste nucléaire, à quelques reprise. Et donc ce groupe Grajdanskaya Obolona en fait était mené par un garçon qui existe toujours qui s'appelle Igor Letov et qui était avec ses comparses du côté de Omsk à la frontière du Kazakhstan. Donc vous voyez ces villes un peu perdues dans cette immensité sibérienne, le long de la ligne du Transsibérien justement. Et ce groupe-là n'était pas perdu pour autant puisqu'ils avaient, ils écoutaient un peu là aussi les radios de l'Ouest, etc. Et ils faisaient de la musique post-punk et new wave comme on en écoutait à l'époque. Ils la faisaient très très bien, de façon parfois un petit peu avec des instruments ou des moyens techniques un petit peu limités. Mais l'énergie est bien présente, le talent aussi. Je propose de vous en faire une idée tout de suite avec un titre un peu crust qu'on va écouter, Moya Cervenaria Strana. Yeah. Yanka Diaghileva avec le titre Yasterveneyu. C'était enchaîné juste avant avec le groupe d'un de ses collègues, sibérien lui aussi, Grajanskaya Oborona avec Igor Letov qui hurlait Moya Sevelnaya Strana. Voilà, donc je serais bien incapable de vous traduire le nom de ces morceaux. Hein. J'ai fait quelques traductions automatiques en ligne en préparant l'émission, mais tout ça met un petit peu de sortie de l'esprit. Toujours est-il que souvent dans les textes, notamment de Yanka Diaghileva, on ressent quand même une mélancolie, un sens de la poésie assez fort. C'est, ça n'en a pas forcément l'air vu que la qualité des enregistrements que je vous ramène ce soir sont pas forcément top, et croyez bien que c'est pas de ma faute, j'ai fait de mon mieux pour trouver mieux justement, mais c'est déjà merveilleux d'avoir des archives, d'avoir tout ça. Et Yanka Diaghileva, enfin je vais vous en dire quelques mots parce que c'est vraiment une femme pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration, qui a traversé un petit peu comme une comète, pour trouver une métaphore pourrie, la scène punk de la fin des années 80 en Russie. Elle était sibérienne, vous disais-je, elle n'était pas de Homs comme Igor Letov, mais lui, il avait pris sous son aile et ils étaient allés ensemble à Moscou pour des festivals, tout ça, où elle s'était fait remarquer. Et elle conjuguait, à mon avis, merveilleusement bien la hargne du punk de l'époque et en même temps un sens de la poésie, tout ce qu'il y a de plus slave, quoi. Elle écrivait assez bien et c'était une punk avec une guitare acoustique en quelque sorte, quoi. Je dirais pas jusqu'à dire que c'était une écorchée vive, faut pas pousser, mais elle avait quand même une sensibilité à fleur de peau et ça se ressent dans les traductions que j'ai pu faire de ces textes, voilà. Et là, à l'instant, dans ce titre, un peu plus électrique, avec certains musiciens qui l'accompagnaient, Yasterveneyu, qu'on vient d'écouter, eh bien, elle donnait une facette de son talent, et on va en explorer une autre tout de suite, avec le titre, un titre acoustique, par contre, qu'on va écouter maintenant, tout de suite, Belek. Я там не на это просто наплевать. ты горишь за тебя. Там кто-то получил синяк, многозначительно молчу, и дальше мы идем гулять. Восьмиклассница. Гордишься мной, ты любишь своих кукол и воздушные шары, но в 10 ровно мама ждет тебя домой. Восьмиклассница. Восьмиклассница. Ага. Восьмиклассница. Que j'aime cette jolie ritournelle. On a écouté deux morceaux acoustiques enchaînés à l'instant, là, parce qu'après tout, les chansons, une guitare, une voix et du talent, c'est un peu un classique dans la musique russe et dans la mentalité et la culture russe qui est à l'honneur ce soir. Tout d'abord, on écoutait Yanka Diaghileva avec le titre Berich et ensuite Kino avec le titre Vosmiklasnik à l'instant et le chanteur Victor Tsoï. Berich, en fait, de Yanka qu'on écoutait juste avant, eh bien, ça signifie prends garde, fais attention. Et bien, pour le coup, le morceau portait bien son nom puisque en fait un jour de 1990 Yanka elle est partie se promener, elle disait je reviens, je vais chercher des clopes et puis je reviens et puis elle est jamais revenue. On a retrouvé son cadavre dans un fleuve un peu après et on sait pas trop ce qui s'est passé, est-ce qu'elle a été agressée, est-ce qu'elle s'est suicidée parce que sur la fin elle était carrément dépressive, on saura jamais, mais toujours est-il que cette fille que je vous le répète vraiment m'intrigue parce qu'elle avait beaucoup de talent, elle a laissé quelques traces, quelques beaux enregistrements et aussi quelques album dont elle faisait à la fois la musique bien entendu, l'interprétation, la composition mais aussi les dessins, donc tout ça je vous mettrai quelques liens évidemment sur le Facebook de l'heure du loup si vous souhaitez en savoir plus sur cette personne charismatique. Et je ne vous cache pas que ce grain de voix m'a vraiment retourné les tripes quand je l'ai découvert il y a à peu près un an et demi grâce à un heureux hasard sur internet. Ça m'a fait la même impression que quand j'ai découvert Barbara quand j'étais adolescent ou Gishi Wiley, une chanteuse de blues américaine des années 1920, ou Paco de Lucía si vous aimez le flamenco, ou Maria Callas si vous aimez la musique classique, quoi, peu importe le style, en fait il y a des gens comme ça qui ont cette sensibilité, ce grain de voix dans lequel on sent toute la joie et la douleur d'être au monde en fait. Mais bon, il se trouve que parfois dans le cas de Yanka Diaghileva c'est la douleur qui l'a emporté. Et du coup, bah, je voulais enchaîner ce titre avec un autre morceau, peut-être un petit peu plus gay, veux-je dire, avec le Victor Tsoï, le chanteur de Kino, qui lui aussi est mort dans des circonstances, bah, à peu près à la même époque, dans des circonstances tragiques, mais qui a laissé quelques beaux albums lui aussi avec le groupe Kino, dont il était question justement dans le film dont je vous parlais tout à l'heure en début d'émission, Letter, qui parlait un petit peu de la scène post-punk New Wave de Saint-Pétersbourg dans les années 1980. Et Victor Tsoï, là, il a interprété ce titre, Vosmiklasnika, qu'on écoutait à l'instant. Victor Tsoï a un titre, un garçon. En fait, pour vous résumer, c'était un peu un mélange d'Ian Curtis, de Joy Division, et de Jim Morrison, des Doors, avec des traits asiatiques, parce qu'il était d'origine extrême orientale. Il y a beaucoup de métissage dans la société russe, hein, même si ils refusent de l'admettre, ces braves gens. Et du coup, voilà, Kino avec ce garçon charismatique à sa tête, et qui était guitariste et chanteur, et qui a fait de beaux albums pendant toutes les années 80, qui s'est illustré notamment dans le style post-punk dont je vous parlais, surtout à partir de la perestroïka de Gorbatchev à partir de 86 jusqu'à sa mort en 1991. Et tout de suite, plutôt qu'un long discours, je vais plutôt vous laisser écouter un nouveau morceau dans l'heure du loup, en fait, parce que je vous en ai déjà placé pas mal, avec le titre Zakrochav Not Vol Za Yulio. торговать, потому что у них есть дом, в доме горит свет. И я не знаю точно, кто из нас прав, меня ждет на улице дождь и ждет дома обед. Закрой за мной дверь, я ухожу. Закрой за мной дверь, я ухожу. Если тебе вдруг наскучит твой ласковый свет, тебе найдется место у нас, дождя хватит на всех. Посмотри на часы, посмотри на портрет на стене, прислушайся там за окном, ты услышишь наш смех. Закрой за мной дверь, я ухожу. Закрой за мной дверь, я ухожу. Закрой за мной дверь, я ухожу. Закрой за мной дверь, я ухожу. Закрой за мной дверь, я ухожу. За мной дверь, я ухожу. Закрой за мной дверь, я ухожу. Закрой за мной дверь, я ухожу. Till now, you've never talked to me, only when we drove outside the sun. And I'm so fed up with being old, don't try to hold me now. Dites-moi, simple curiosité, comment les soviétiques luttent-ils contre le stress ? Vodka. L'officier de police Ivan Danko vient de derrière le rideau de fer. Danko. La balayette ? Il est sur les traces du plus féroce criminel de son pays. Qu'est-ce qu'il a fait ? Pipi contre le mur du Kremlin ? J'attends coopération. C'est vous qui commandez, pas de problème. Il va être contraint de faire équipe. Donc, toi et vos mains, tirez à Agnetsu. Qu'est-ce qu'il dit, là? Il dit, toi, allez baiser ta mère. Et avec un drôle de numéro... Ça va, chérie? Crème. De la police de Chicago. Ta tronche me rappelle un boxeur qui m'a fait perdre une fortune. Capitaliste. Il possède un style très personnel. Ce mec, c'est un sacré morsif, hein? Celui-là n'a pas de style du tout. Un officier de police ne range jamais son arme. Tenez. Riddick est un bon flic. Police ! Et un grand spécialiste des bavures. Tu n'as pas réussi, Victor. Il a tué un flic de Chicago, alors ce mec, il est à moi. Il s'agit de mon honneur. Avec un tel duo... J'abandonne. Tout ça, ça devient trop russe. La fièvre monte vite. Lui est à moi. Double détente. Quand j'étais gosse, on disait chiche, mais on jouait pas avec des autocars. Il va peut-être falloir braquer. Oh mais t'es malade. Arnold Schwarzenegger, James Belushi, dans un film de Walter Hill. Joli boulot, l'ami. Merci. Je plaisantais. Bien sûr. Double détente. double détente. Au mi-temps des années 80, grâce à Gorbatchev notamment, eh bien, c'était la détente entre les blocs de l'Est et le bloc capitaliste de l'Ouest, entre le bloc soviétique et le bloc de l'Ouest. Et du coup, la détente dans les films américains, c'est plutôt la détente qu'il y a sur les flingues. Et les deux se rencontraient pour le coup dans ce film que j'avais bien aimé quand j'étais petit, dont on vient d'écouter la bande-annonce avec James Belushi et Arnold Schwarzenegger dans le rôle évidemment du gros faux méchant soviétique qui est toujours un petit peu interloqué quand un pourriture capitaliste américain lui récite des passages du docteur Jivago. Et comme quoi, hein, à l'Ouest, on n'est pas tous des incultes. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Vous n'êtes pas inculte, vous non plus, puisque vous branchez sur Osmose Radio. Et c'est une excellente idée, puisque ce soir, je vous accueille dans une playlist spéciale Russie dans votre émission Rock et New Wave. Vous êtes bien dans l'heure du loup avec Stéphane au micro et à la playlist. Et un espèce de chaman sibérien là derrière la régie technique. Mais il s'appelle Loïc. Alors je sais pas ce que ça veut dire dans les patois du fin fond de la taïga, mais en tout cas, il assure derrière les manettes, c'est tout ce qu'on lui demande. Et pour le moment, là, il brûle de l'encens en espérant qu'il n'y ait pas de couilles techniques avec les ordinateurs. Ils ont des drôles de mœurs dans ces pays-là. Enfin bref, quoi qu'il en soit, on va continuer, nous, avec notre playlist. Et puis, la Russie a inspiré beaucoup a créé beaucoup de musique dont j'ai envie de vous parler ce soir, si elle a aussi inspiré des films comme celui dont on vient d'avoir un petit extrait, eh bien, elle inspire aussi, de notre côté, des noms de groupes comme ceux dont on va parler maintenant, après avoir écouté les deux morceaux enchaînés qu'on a vus tout à l'heure, à savoir Kino, avec le titre Zaklosh Zamnosh Evel Da Dolchu. Me demandez pas ce que ça veut dire, je sais même pas si je le prononce correctement. Kino, qui était le groupe de Victor Choi, un garçon qui est encore extrêmement célèbre en Russie, et le groupe Kino est culte là-bas. Et ben, il y a de quoi faire, vous me direz, parce qu'ils ont fait de sacrés beaux albums, et il en était question dans le film Leto, qui est sorti le mois dernier. Et c'est enchaîné ça avec un groupe qui prouve, s'il en était besoin, que la scène post-punk et plus généralement la scène alternative actuelle en Russie est pleine de vitalité, avec un des groupes les plus connus justement de cette scène contemporaine, c'est Human Tetris, avec le titre qu'on a écouté un instant, Things That I Don't Need. Et on va continuer un petit peu dans cette playlist, vous disais, avec des groupes, eux, qui sont bien français, mais qui se sont inspirés des clichés un petit peu de la Russie pour baptiser notamment le nom du groupe. C'est le cas de Vostok Station, Vostok, qui était un module spatial dans les années 70-80. Et tout de suite, je vous propose d'écouter La Forteresse Vide. Et dans ta tête, tant de détresse. Devushka Stolchkolnika à l'instant avec le titre Botanie, qui s'était enchaîné juste avant avec un groupe français qui s'appelle Vostok Station, qui donne plus de nouvelles depuis quelques années. Enfin bon. Et un Vostok Station avec le titre La forteresse vide. C'est parfois l'impression que donne un petit peu le pays de Poutine, hein, qui a été une superpuissance, mais qui aujourd'hui n'est qu'une puissance moyenne, malgré les apparences d'ailleurs. Et Devushka Stolchkolnika, qu'on écoutait à l'instant, c'est un groupe de synth-pop originaire de Moscou, je crois. Pour l'anecdote, le nom du groupe, ça signifie les petites écolières. Comme quoi, il n'y a pas que les Japonais qui sont fascinés par les petites jeunes filles en jupe. Et le morceau s'appelait Botanique, et c'est plutôt ironique, puisque les filles du groupe, justement, sont de belles plantes. Comme quoi, hein. Voilà, voilà, chers amis, on arrive tout doucement vers la fin de cette émission, et on va faire un grand écart musical, on va passer à quelque chose de radicalement, de l'électro, on va aller vers le métal et le folk. Après tout, ce en quoi on fait comme les Slaves, après, d'une certaine manière, puisque eux-mêmes sont capables d'avoir une amplitude de sentiments assez impressionnante. En quelques minutes, ils peuvent passer de l'affectuosité la plus onctueuse et la plus sincère jusqu'à la hargne et la haine la plus glaciale. Allez comprendre, mais bon, c'est peut-être aussi pour ça qu'on les aime, sinon pour ça qu'ils font des musiques parfois si impressionnantes. Et je vois envie de vous parler d'un groupe que j'ai découvert grâce à la bande originale d'un jeu vidéo qui s'appelait Stalker, en fait, qui était inspiré du film des années 70. Un jeu vidéo vraiment impressionnant qui se passait dans la zone de Tchernobyl, en fait, la zone qui est condamnée aujourd'hui, interdite d'accès. Et c'était le groupe Firelake qui était intervenu sur cette bande originale et que j'avais découvert comme ça il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Et bien là, je vous propose un extrait d'un album qu'ils avaient sorti en 2007, tout de suite le titre Angel's Revelation. Thank you. Fire Lake avec le titre Angel's Revelation. Fire Lake, l'eau et le feu, hein, ce mélange des deux, et ben, ça crée un petit peu de vapeur qui vous a un petit peu embrouillé les oreilles à l'instant dans ce titre où, qui mélangeait le chaud et le froid. Voilà, chers amis, je vous ai ramené surtout des groupes russes ce soir, mais comme vous avez pu l'entendre, les Ukrainiens ne sont pas en reste avec ce dernier groupe qu'on vient d'écouter. Ce soir, c'était ma playlist consacrée à la Russie à l'occasion, et à la Russie et aux pays slaves, pardon, à l'occasion du Nouvel An russe qui avait lieu la semaine dernière, chers amis. Hein, je ne me prive pas de vous passer des groupes originaires de ces pays, de ces contrées éloignées et qui me fascinent, je ne m'en cache pas, tout au long de l'année, bien entendu. Mais ce soir, pour l'occasion, j'avais quand même envie de faire une playlist spéciale consacrée uniquement à ces groupes-là. Voilà, et comme à notre habitude, par contre, ben, on va se quitter avec quelque chose d'un petit peu décalé. Ce soir, ce sera de la country music américaine. Ouais, j'ai pas peur des paradoxes, puisque ce sera le chanteur country Woody Guthrie, qui était un chanteur antifasciste des années 1930 à 1950. Qui, lors de la tournée aux États-Unis d'une femme sniper dans l'armée rouge, qui s'appelait Madame Pavlichenko, eh bien, il avait fait, comme cette femme, pendant la Seconde Guerre mondiale, que là-bas ils appellent la Grande Guerre patriotique, avait buté nombre d'officiers allemands sur le front soviétique, quand elle avait fait une tournée aux États-Unis, dans le cadre d'une œuvre de propagande, hein, n'est-ce pas, elle avait quand même été acclamé, et c'était quand même tout à l'honneur de l'armée rouge, de même pour des tas de raisons bonnes et mauvaises d'ailleurs, c'était tout à l'honneur de l'armée rouge finalement de donner une place aux femmes dans cette institution là qui est l'armée, qui est encore un petit peu difficile d'accès encore aujourd'hui. Donc voilà, et bien les femmes russes ont été un petit peu les précurseuses en la matière. Et Woody Guthrie, qui était un chanteur antifasciste, avait consacré une chanson à cette dame-là, Miss Pavlichenko, avec laquelle on va se quitter ce soir. Bonne soirée, mes petits loups. Puisqu'on parle d'une femme sniper, eh bien, profitez-en pour tirer un coup ce soir. Hein, ça fait toujours plaisir en ces froides nuits d'hiver. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bisous. I'll buy your gun. I'll buy your gun. 300 Nazis. I'll buy your gun. Pavlichenko, well known to fame, Russia's your country, fighting's your game. The world will always love you for all time to come. 300 Nazis fell by your gun. Fell by your gun. Fell by your gun. More than 300 Nazis fell by your gun. Fell by your gun. Mountains and canyons, quiet as a deer, down in the forest, knowing no fear. Lift up your sight, down comes a Hun. 300 Nazis is felled by your gun. Fell by your gun. Hot summer's heat or the cold winter's snow, all kinds of weather you track down the foe. Your face is as bright as the new morning sun, but more than 300 Nazis fell by your gun.